Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Sur le pont hérisson, qui se pique sur le pont hérisson, on y fait des crevaisons. Sur le pont marmiton, on grignote sur le pont marmiton, on grignote des cornichons. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond.